Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée dans la fabrique de l'histoire à cette question, donc comment le public s'empare-t-il aujourd'hui de l'histoire ? Aujourd'hui, le débat autour de la notion peu familière en France de l'histoire publique ou de public history, ou encore de l'histoire telle qu'elle existe justement dans cet espace public. Après deux documentaires que je vous conseille d'écouter si vous ne l'avez pas encore fait sur notre site franceculture.fr, des documentaires sur les reconstitueurs ou sur les reconstituteurs, on ne les appelle pas de la même manière quand on reconstitue à Marignan ou encore à Waterloo, ceux qui reconstituent les batailles du passé, eh bien nous allons ce matin avec Anaïs Quin qui a préparé cette émission avec nous aborder la question des usages publics de l'histoire. Deux occasions s'offraient à nous pour mettre ce sujet à l'ordre du jour de la Fabrique de l'Histoire d'aujourd'hui, la création d'un master d'histoire publique à l'université de Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne. Nous aurons avec nous Catherine Brice, elle est professeure d'histoire contemporaine dans cette université, elle est responsable de ce master. Également, un grand colloque qui s'est tenu la semaine dernière à Marseille, au MUCEM, autour de l'histoire dans l'espace public, et nous aurons trois des quatre responsables de ce colloque. Marilyn Crivello, elle est en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Avignon, que nous remercions de l'accueillir. Donc, elle est professeure d'histoire à l'université d'Aix-Marseille. Patrick Garcia est avec nous à Paris, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, et Jocelyn Letourneau, qui est professeur à l'université Laval au Québec, est en duplex avec nous depuis les studios de la radio à Londres. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Patrick Garcia. Bonjour. Bonjour à vous Marilyn Crivello. Bonjour. Bonjour à vous Catherine Brice. Bonjour. Et bonjour Jocelyn Letourneau, vous êtes en duplex avec nous depuis Londres. Cette catégorie de l'histoire publique dont on va un peu parler aujourd'hui en même temps que l'histoire dans l'espace public, c'est une catégorie que vous qui vivez sur le continent nord-américain, vous connaissez peut-être mieux que nous ici en Europe. On appelle ça la public history dans les universités américaines. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que ça recoupe ? C'est une histoire qui est très orientée, disons, vers l'époque contemporaine. C'est une histoire qui aussi cherche à être utile. En fait, au départ de la mise sur pied de plusieurs programmes d'histoire publique, tant aux États-Unis qu'au Canada, il y avait cette préoccupation, finalement, de trouver des débouchés aux finissants des programmes d'histoire et montrer comment l'histoire peut aider à la solution, si vous voulez, de problèmes techniques que rencontrent les sociétés, montrer le volet instrumental, utilitaire de l'histoire était, je pense, l'un des fondements de la mise sur pied de ces programmes d'histoire publique. Qu'est-ce qu'on y enseigne dans ces programmes de public history ou d'histoire publique au Québec, au Canada ou aux États-Unis, Jocelyn Letourneau? Bon, d'abord, il y a une préoccupation d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on vise à former des jeunes qui seront aussi versatiles que possible, qui pourront travailler en équipe et qui, comme je le disais, seront peut-être moins orientés dans leur recherche du côté de ce qu'on pourrait appeler la recherche pure, sans ambition pratique ou empirique, mais plutôt orientés vers la production de travaux qui, par exemple, peuvent servir à monter des expositions ou à aménager un lieu d'histoire. On a même voulu ajouter à la formation des jeunes des cours qui leur permettaient, par exemple, de développer des expertises pour aider les entreprises à mettre sur pied des services d'archives ou à produire une histoire de ce que ces entreprises ont été dans le temps. Bref, vous avez cette préoccupation vraiment de sortir en quelque sorte l'histoire des officines universitaires et de la réintégrer au centre, je dirais, de tout ce qu'une société a besoin pour se mettre en scène dans le théâtre du passé. Anaïs Quin. Oui, Jocelyn Letourneau, en tout cas pour ce qui concerne le marché français, les livres d'histoire et d'historiens se vendent de plus en plus mal dans ces programmes d'histoire publique. Est-ce qu'il sera question aussi de repenser la littérature historique elle-même, la manière de mettre en récit l'histoire pour un public qui aujourd'hui n'achète plus peut-être ou ne s'intéresse plus à cette littérature plus scientifique? Ben disons que je suis pas certain qu'on puisse parler d'un seul public. Il y a beaucoup de publics, et moi je serais le dernier à dire qu'il n'y a plus de place pour l'histoire telle qu'on la pratique déjà depuis un bon moment, selon les règles de l'art. Je pense qu'il est extrêmement important, dans les universités, mais ailleurs aussi, d'avoir encore une recherche méthodique, professionnelle, spécialisée, qui vise finalement à défricher des pans d'histoire sur lesquels on a peu de connaissances. Par ailleurs, il est bien sûr que l'immense majorité des gens, tant en Europe probablement, et peut-être à cet égard, le marché français constitue un marché particulier, mais je parlerai plutôt à partir du marché nord-américain, il est certain que les gens vont bien davantage consommer des formes d'histoire qui sont susceptibles de les rejoindre. À Marseille, par exemple, je commençais ma présentation ou la conclusion à partir d'un exemple qui m'avait personnellement frappé. C'était en 2010, et sur la couverture du Time Magazine, il y avait cette formule qui laissait entendre que Tom Hanks, le fameux acteur, était l'historien en chef des États-Unis. Pourquoi? Parce que Hanks produisait une série qui était vue chaque semaine par des millions de téléspectateurs et qui s'appelait The Pacific. Alors, il est évident que quand on s'adresse à des millions de téléspectateurs en mettant l'histoire en intrigue de telle manière qu'elle les rejoigne, qu'elle suscite leur émotion, on va les rejoindre beaucoup plus qu'un ouvrage, si vous voulez, qui est spécialisé, froid, qui propose, je dirais, des représentations du passé qui sont complexes, qui sont ambiguës, qui sont contradictoires, qui épousent en quelque sorte la condition humaine. Écoutez, je pense qu'on est à une époque, et c'est peut-être l'un des enseignements principaux qui ressort du colloque, où il doit y avoir de plus en plus une complémentarité des formes de production et de diffusion de l'histoire. Et c'est dans ce contexte-là, je pense, que l'historien doit trouver sa place. Peut-être, dernier point, il n'y a pas non plus qu'un seul historien. Je ne pense pas qu'on puisse demander à une seule personne d'intervenir sur tous les champs de la production et de la diffusion de l'histoire. Il y a des gens qui sont versatiles, il y en a qui le sont moins, mais l'important, je pense, c'est que tout un chacun, dans sa façon de faire, soit aussi rigoureux, minutieux que possible. Catherine Brice, quand vous avez décidé, avec d'autres professeurs de l'Université de Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, de tenter de créer le premier master d'histoire publique en France, qui vient d'ouvrir donc à l'université, c'était quoi votre idée? Est-ce qu'il y avait cette idée que, tout compte fait, malheureusement, les concours ne permettent pas à tous les étudiants qui rentrent dans la filière d'études d'histoire de trouver du travail, qu'au bout du compte, il faut bien offrir à des étudiants qui veulent faire de l'histoire jusqu'au master des possibilités ou des débouchés? Ou est-ce que c'était pour prendre en compte justement cette espèce de foisonnement autour de l'histoire qui ne recoupe pas exactement le champ de l'histoire universitaire? Bien, je dirais les deux. Les deux. C'est-à-dire que d'un côté, c'est pas tellement en fait... ce sont évidemment les problèmes de débouchés des étudiants qui était notre préoccupation, mais surtout la constatation que de plus en plus d'étudiants en histoire ne veulent plus passer les concours. Donc c'est pas un problème qu'ils y arrivent ou qu'ils y arrivent pas, c'est que c'est une carrière qui les intéresse plus tellement. Et pourquoi rentrent-ils dans des études d'histoire si au bout du compte, le seul débouché qui est le débouché qui a priori leur permet d'avoir un emploi s'ils réussissent les concours ne les intéresse pas? C'est une des questions. Alors là, vous posez une question qui dépasse, je crois, le cadre de notre émission. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la formation d'historien est une formation très complète et qui peut déboucher sur bien d'autres choses que de faire de l'histoire, c'est-à-dire savoir... trouver de l'information, savoir la hiérarchiser, savoir la critiquer, savoir la rassembler, savoir la présenter. Tout ça, un historien sait le faire. Donc, mais en revanche, tous ne veulent pas forcément embrasser la carrière de l'enseignement. Par conséquent, on avait ça en tête. Et ce qu'on avait aussi en tête, alors peut-être que je suis moins pessimiste qu'Anaïs Kia, mais c'est une demande sociale. En histoire, force. Non, je veux dire, c'est pas... effectivement, les livres d'histoire ne se vendent pas forcément bien de mais l'histoire par contre, on voit et on demande de l'histoire partout. Mais ailleurs. En revanche, on voit bien qu'il y a à la radio, à la télévision, sur le net, même du côté des prescripteurs, c'est-à-dire des municipalités, des entreprises. C'est-à-dire que je crois que c'est ce qui a été pas mal étudié au cours du grand colloque de Marseille, c'est-à-dire qu'est-ce que l'histoire apporte finalement dans une image. Et donc, tenant ensemble ces deux considérations, il y a une demande forte. Et nos étudiants bien formés en histoire ne veulent pas forcément devenir des historiens, entre guillemets, professionnels, au sens académique du terme. Eh bien, essayons de mettre ensemble ces deux choses pour leur proposer de l'histoire publique. Dans une sorte de premier temps de ce colloque qui s'est appelé finalement l'histoire dans l'espace public, le Le titre de travail était Patrick Garcia, commerce avec l'histoire. Et on se disait, est-ce que c'était commerce au sens commercial ou est-ce que c'était commerce au sens du XVIIIe siècle? Donc, des échanges, pourrait-on dire, entre deux personnes, entre deux groupes, etc., etc., qui étaient au centre de cette préoccupation quand vous avez commencé à travailler sur cette question de l'histoire dans l'espace public. Oui, tout à fait. L'idée au départ, c'était d'appeler le colloque « commerce avec l'histoire » dans cette ambiguïté du terme, à savoir à la fois un commerce, un échange au sens du 18e, voire un commerce amoureux, commerce affectueux, avec des mobilisations qui suscitent des passions. Hein. Marilyn parlera vraisemblablement des reconstitueurs, des passions, on en trouve beaucoup dans les associations. Et en même temps, le fait que l'histoire est aussi objet de commerce, c'est-à-dire que c'est aussi un enjeu économique pour les régions, pour les départements. Il y a donc c'est les deux qui se jouent en même temps. Mais le terme de commerce avec l'histoire avait été l'objet de trop d'incompréhension, donc nous sommes rabattus sur l'histoire dans l'espace public, c'est-à-dire sur les usages non académiques de l'histoire. C'était ça le centre. Alors, Marilyn Crivello, vous êtes historienne, spécialiste depuis longtemps de ces questions des reconstitutions historiques, de la façon dont on prend la peau d'un personnage du passé, comme l'ont fait ceux qu'on a entendus hier et avant-hier dans les documentaires à Waterloo ou à Marignan. Quand vous avez lancé cette idée, est-ce que vous imaginiez qu'il y aurait autant de prolifération, pourrait-on dire, de propositions de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses, de chercheurs plus confirmés, qui viendraient vous rejoindre autour de cette thématique de soit commerce avec l'histoire, soit l'histoire dans l'espace public, Marilyn Crivello? Oui, effectivement, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai pris conscience que l'espace public était envahi, en fait, par ces pratiques, cette appropriation du passé, par un public très divers qui finalement goûte, savoure ce passé avec des formes très différentes de celles de l'historien. Il s'agit souvent de comprendre, mais surtout d'investir, en fait, la peau des ancêtres. Et c'est vrai que c'est un champ qui s'est extrêmement développé. Aujourd'hui, il y a de multiples associations en Europe, dans le monde, effectivement, d'amateurs d'histoire qui ont plutôt envie d'entrer en histoire et d'entrer dans la peau de ses ancêtres. Mais justement, il y a souvent eu un peu de mépris de la part des historiens universitaires ou autres que vous, Marilyn Crivello, et que quelques-uns qui s'intéressaient à ces questions-là, vis-à-vis de ces amateurs, de ces gens qui reconstituent ou qui travaillent à vouloir mieux comprendre. On se souvient des discussions entre historiens professionnels dans les années 80 et généalogistes qui occupaient, selon les historiens professionnels, trop fréquemment les fonds d'archives. Est-ce que, justement, ça a changé, selon vous, cette question du regard porté par l'histoire universitaire sur ce foisonnement d'initiatives dans les sociétés européennes et nord-américaines? Alors, je ne sais pas si ça a fondamentalement changé. En tout cas, on ne peut plus ignorer ces pratiques sociales qui investissent l'espace public. Et il me semble que les historiens sont en train de prendre conscience, effectivement, qu'il faut s'interroger. Je crois que très récemment, j'ai appris qu'un séminaire à Nanterre allait se tenir sur ces reconstitutions historiques et la manière dont elles sont organisées. Lorsque j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, à travailler sur ces pratiques, il y avait effectivement un véritable mépris vis-à-vis de ces gens qui souvent n'ont pas du tout les mêmes méthodes que celles des historiens, mais qui pourtant sont très présents dans le champ public, les médiévales, l'épisode napoléonien ou bien d'autres, et qui imprègnent la conscience historique de nos contemporains. Anaïs Kien. Moi, je me pose la question, Marilyn Crivello, finalement, ce rejeu, cet effet de reconstitution, finalement, n'est-il pas plutôt un outil pour, en entrant dans une fable, en jouant un personnage dans une fable, rejouer des valeurs très contemporaines, davantage que la compréhension d'un événement passé? Finalement, reprendre des valeurs de l'époque très contemporaine dans un fil narratif fabuleux qui nous permette, quelque part, de gagner en contraste dans la compréhension d'un monde, mais qui a plus à voir avec le contemporain qu'avec le passé. Oui, parfaitement. On n'apprend pas grand-chose en réalité sur l'histoire en regardant ces reconstitutions, même si ces amateurs, ces passionnés ont véritablement la discipline historique comme référence. Il y a un goût pour l'histoire, une passion pour l'histoire qui est réelle, mais on n'apprend pas grand-chose, évidemment, sur l'histoire médiévale ou l'histoire moderne ou l'histoire romaine. On apprend essentiellement sur le temps présent. On apprend sur le contemporain. Dans le documentaire d'hier sur Waterloo, il y avait quand même celui qui jouait le rôle du maréchal Ney lors de la reconstitution de Bois de Jean, qui disait « Je suis plus fort que les historiens » sur la question de la bataille de Waterloo. Donc on voit bien qu'il y a aussi une sorte de bagarre, de contraste, de volonté de s'imposer face à un discours universitaire, Marilyn Crémélo. C'est certain, on est dans un système concurrentiel. C'est ce que je disais, je pense que ces passionnés sont véritablement investis d'une mission pédagogique et ont une véritable foi dans leur production et dans leur pratique. Cela dit, ce qu'un historien peut véritablement apprendre de cet investissement est plutôt de l'ordre de... du temps présent, c'est-à-dire une sensibilité, un goût pour l'histoire, mais pas n'importe quelle histoire, une histoire très concrète, une histoire plutôt militaire, une histoire que l'on va éprouver, hein, qui ne passe pas forcément par la compréhension, mais plutôt par l'appréhension, par des canaux matériels. On va avoir le goût du costume, le goût des saveurs du passé. Et surtout, on apprend que cette société contemporaine, finalement, a besoin de retrouver du sens, certainement dans la fête. Il y a une dimension ludique, conviviale de la fête que l'on peut retrouver dans ces reconstitutions. Et enfin, on voit la place de la mémoire, un surinvestissement d'une mémoire qui est censée faire du lien entre les communautés et contrebalancer finalement une histoire disciplinaire qui est plutôt centrée vers les traumatismes. Donc il me semble que là, il y a effectivement un rejet d'histoire qui ne concerne pas uniquement la connaissance du passé. D'ailleurs, les médiévales peuvent concerner des périodes extrêmement longues, avec un réinvestissement aussi de tout le côté mystique, ludique du médiéval. Anaïs Kien. Oui, il y a un documentaire qui a été fait il y a à peu près 4 ans, je crois, qui s'intitulait Dragoon, un documentaire de Sandy Amerio, qui avait enquêté auprès des reconstitueurs, en tout cas d'un groupe de reconstitueurs, et qui mettait en image leur expérience et les raisons données par ces hommes, il s'agissait essentiellement d'hommes en l'occurrence, de rejouer le débarquement de Provence. Et un de ceux que Sandy Amerio avait rencontré disait que, d'une certaine façon, cela le rassurait de rejouer ce moment-là, parce que à ce moment-là, le sens de l'histoire était clair, les idéologies, a priori, pour lui, étaient claires, puisque on savait exactement qui étaient les bons et qui étaient les méchants, et que dans le monde très contemporain dans lequel il était né, ce manque de contraste dans les valeurs, dans les combats et dans la place à tenir dans une société, finalement, lui était très très très compliqué et voire très douloureux. Là, on a quand même un enjeu qui est de l'ordre pas du temps présent, parce que je ne veux pas reprendre une manière de désigner l'histoire, mais plutôt quelque chose qui ressort de la place de l'individu dans la société aujourd'hui. Marilyn Crivello. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une société qui est peut-être trop complexe, avec des enjeux européens, des problèmes religieux à l'échelle mondiale, la mondialisation elle-même, et il y a un véritable souhait de la part de ces reconstituteurs, de se simplifier finalement leur vie contemporaine et d'investir la peau d'un héros du passé dans lequel ils vont finalement trouver un sens nouveau pour leur vie d'aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment cette quête de sens et de simplification de la compréhension de ce qu'ils vivent au quotidien qui est vraiment un enjeu dans leur vie quotidienne. Il y a vraiment pour eux le souhait de rentrer dans la peau d'un héros qui a une destinée claire, dans un espace compris ou dessiné par les historiens, et qui leur évite finalement de se tourner vers un avenir qui paraît aujourd'hui encore un peu obscur et trop complexe à appréhender. Donc le passé, c'est véritablement un ressourcement, et c'est véritablement une possibilité de simplifier, de retrouver du sens, de retrouver des valeurs, bien au-delà, évidemment, de la reconstitution historique elle-même. Patrick Garcia et Jocelyn Le Tourneau, ensuite, comment faire le lien entre tout ce qu'il y avait dans ce colloque sur l'histoire dans l'espace public ? Parce qu'entre les usages de la bande dessinée, les usages du jeu vidéo par rapport à ces questions historiques, l'usage que peut faire Coca-Cola de l'histoire dans sa propre histoire et son propre marketing, ou encore la vente des objets de l'ex-Union soviétique sur des marchés de Moldavie, ou les usages politiques et historiques en Tunisie après la Révolution. Comment faire le lien entre tout ça ? Est-ce qu'il faut faire le lien, le hiérarchiser, etc. ? Bah, écoutez, je crois que d'abord, on voulait faire une espèce de panorama, hein, et on a affaire à quelque chose de proliférant. C'est intéressant, c'est une première pesée. Hein, l'histoire se trouve mobilisée sous différentes formes, par différents acteurs, dans différentes pratiques, dans l'espace non académique. Et pour nous, c'est important cette idée parce que on n'était pas dans. Pour nous, les historiens n'ont pas le monopole de l'histoire. Mm-hmm. D'ailleurs, de facto, ils ne l'ont pas, même s'ils le voulaient. Et on n'était pas normatif. Notre visée n'était pas de définir si c'était des bonnes ou des mauvaises pratiques, hein, mais on voulait étudier ces pratiques dans leur diversité. Et je crois que le lien, peut-être, ce serait le besoin d'histoire qui s'exprime sous différentes formes, avec des histoires qui sont très différentes de l'histoire universitaire. Mmh. L'histoire universitaire se vit comme une construction incertaine, critique, dans la distance. D'autres mises en scène de l'histoire vont se vivre dans la proximité. Cela dit, la différence, c'est pas le lien avec présent et le présent passé, parce que après tout, les historiens faire de l'histoire, c'est poser des questions à partir du présent dans un moment social et temporel donné. Donc, c'est une caractéristique qu'on retrouvera dans la pratique historienne. Mais voilà, on voulait saisir ça avec aussi ce que ça peut apporter, parce que c'est quand même un élément. Il y a des choses qui sont très loin de notre pratique historienne, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent nous informer, notamment quand la fiction reprend l'histoire. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à nous, non seulement comme objet, comme phénomène social, mais aussi comme compréhension de l'histoire. Mm-hmm. Et donc là, il y a toute une série de gradients, hein. C'est une première étape. Vous aviez, par exemple, Guillaume Mazot, qui était présent dans ce colloque et dont on parlera bientôt, puisqu'il a travaillé avec le metteur en scène Joël Pommerat sur une pièce sur la Révolution française, par exemple, qui était présent, et donc aussi la façon dont certains historiens passent le pas, vont, entre guillemets, de l'autre côté, travaillent avec des créateurs, etc., etc. Je ne sais pas s'ils vont de l'autre côté, parce que Guillaume Mazot reste par ailleurs un historien académique, mais il va investir, son savoir va être investi à un moment donné dans un travail avec des gens qui produisent de la fiction. Anaïs Kien. Oui, d'ailleurs, dans ce colloque, on voit bien la grande diversité des contributions. Il y a peut-être quelque chose, moi, qui m'a manqué, c'est aussi la création d'un marché de l'historien. C'est très mal dit, mais d'une certaine façon, à la télévision, au théâtre, dans les musées, aujourd'hui, on va chercher des historiens pour leurs conseils, et il y a des tarifs qui s'instaurent, une cote des historiens, notamment les documentaires d'Arte, de France Télévisions. De plus en plus, les chargés de programme demandent aux sociétés de production de se munir d'un conseiller historique pour faire un documentaire. Et les conseillers historiques ne sont pas payés de la même manière. Donc les tarifs sont différents, effectivement, mais là, on assiste aussi à une intégration, finalement, de l'historien dans ce marché de l'histoire, dans cette histoire publique, qui est rarement évoquée, alors que finalement, lorsqu'on regarde un petit peu finement, c'est un revenu complémentaire pour pas mal d'historiens du contemporain aujourd'hui. Jocelyn Le Tourneau, sur ce point, est-ce que vous pouvez intervenir ? Ben, écoutez, oui, je peux intervenir sur ce point, mais aussi retourner à la question précédente que vous aviez posée. Moi, je pense que on a tous lu le colloque, on l'a tous compris d'une façon différente, et ça, déjà, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que, à mon avis, il y avait un postulat qui était au point de départ de ce colloque. C'est d'abord qu'il y a une demande sociale pour l'histoire. Contrairement à ce qu'on dit facilement, les gens aiment l'histoire et s'y intéressent, et c'est même vrai pour les jeunes. Par ailleurs, Habituellement, il y a beaucoup de recherches qui sont faites du côté de la production des connaissances historiques, mais beaucoup moins du côté de la réception des connaissances historiques. Or, tout cet intérêt, je dirais, qui porte sur la façon dont les gens reçoivent ce qui leur est transmis, ces gens-là ne sont pas des consommateurs passifs, mais des gens qui, à partir de leur réalité propre, de leur individualité, de leurs connaissances déjà acquises, réencodent finalement ce travail qui leur est transmis pour construire du sens. Et là, je reviens un peu à ce que Marilyn disait tout à l'heure. Je pense que même dans une contemporanéité, un extrême contemporain dont on parle parfois, les gens, l'être humain est un être politique, l'être humain demeure aussi un être historique. On a besoin d'histoire. Et c'est dans ce contexte-là, je pense que toutes les grandes institutions, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit les musées, que ce soit les gouvernements, bien sûr, mettent sur la table, des produits historiques qui sont consommés par différentes catégories de consommateurs. Et dans ce contexte... Et vous voulez dire, Jocelyn Letourneau, qu'il ne faut pas le laisser de côté, comme tous ces usages, ces façons de faire, ces discours historiques sur lesquels a travaillé Patrick Garcia pour les hommes politiques français, par exemple, il ne faut pas les laisser de côté, il faut au contraire les embrasser en tant qu'historien universitaire et s'y intéresser et ne pas les laisser à part. Ben, c'est-à-dire que il est clair que si l'historien universitaire se retranche des nouvelles façons de produire et de diffuser de la connaissance historique, il laisse le champ libre pour toutes sortes d'autres producteurs, certains honorants, Clio, d'autres beaucoup moins. Et donc, le marché de la consommation des produits historiques se retrouve, je dirais, dans une espèce de free-for-all. Ouais. N'importe quoi peut être mis de l'avant, n'importe quoi peut être consommé. Je pense que l'historien doit s'exposer publiquement, doit se mouiller. Et là, il est clair qu'il y a un marché pour les historiens aussi, mais c'est dans le cadre d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle complémentarité entre l'historien universitaire, si vous voulez, et les autres producteurs. Et là, il y a toutes sortes de rapports de force. Écoutez, dès lors qu'on s'associe à d'autres producteurs de connaissances historiques, il n'est pas sûr que l'historien aura le gros bout du bâton. Mais moi, je continue à croire que cette présence est absolument nécessaire. L'historien doit agir en quelque sorte comme un garde-fou. Il y a des limites. On ne peut pas dire n'importe quoi à propos de l'histoire. Bien sûr. Marilyn Crivello, vous allez devoir nous quitter bientôt puisque vous vous rendez au Camp des Milles où un homme politique va faire un discours important. Il s'agit de François Hollande. Vous vouliez intervenir avant de devoir nous quitter? Oui, je pense que la question qui était posée tout à l'heure est particulièrement importante. Nous ne voulions pas mettre au cœur de ce colloque des historiens. Nous voulions véritablement travailler avec d'autres acteurs et comprendre finalement leurs démarches, leurs pratiques et aborder finalement un certain nombre de thèmes qui paraissent toujours marginaux mais qui sont au cœur de notre société, la bande dessinée, le jeu vidéo en particulier. Cela dit, effectivement, il y a un certain nombre d'historiens médiatiques qui s'emparent d'un véritable commerce de l'histoire, puisque l'histoire est devenue une ressource dans notre société. Ça pourrait faire l'objet, je pense, d'un colloque à part. Volontairement, on a mis de côté cette expérience historienne parce que nous voulions avoir dans notre colloque ces autres acteurs. Et il y a certainement une autre place pour les historiens. Je reviens sur ce que disait Jocelyn Letourneau, c'est-à-dire non pas un petit monde d'historiens qui prend place dans les médias en permanence, mais plutôt un autre rapport à cette société civile, c'est-à-dire des rencontres de ce type qui permettent à un moment donné à une pluralité d'universitaires de se confronter, d'échanger avec ces autres acteurs et ne pas monopoliser finalement certains discours dans les médias. Il me semble que ce type de rencontre avait cet objectif de permettre une véritable lecture de la société civile, mais de permettre une lecture partagée avec des acteurs très divers et avec des universitaires en sciences humaines qui, là aussi, étaient très nombreux. Merci à vous, Marilyn Crivello. On vous Merci laisse vous, rejoindre le Camp des Milles et on continue le débat ensuite. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Panic in Bali de Jacques Bérocal. Alors, Catherine Brice, vous qui montez donc à l'université de Créteil, Paris-Est, Val-de-Marne, qui montez ce master d'histoire publique, tout ce qui vient d'être dit entre dans le champ de compétences d'un tel master et le champ d'intérêt d'un tel master ? Pour les jeunes étudiants. Alors oui et non, c'est-à-dire que le travail qui a été fait à Marseille, je crois, consistait à prendre la mesure de cette demande d'histoire, de la qualifier, de l'analyser. Je dirais que nous, on se situe dans une tentative de répondre à cette demande. Donc tout ce qui a été dit, bon, malheureusement je n'y étais pas, mais devait être tout à fait passionnant et au fond conforter le projet de master d'histoire publique, puisque c'est... Alors il aurait fallu voir peut-être la multitude des formes d'histoire qui sont nécessaires, réclamées, en tout cas, ou les formes de spécialité nécessaires ou réclamées par la société pour former des jeunes historiens, afin d'y répondre. Alors tout ce qui a été dit, effectivement, forcément, ça nous intéresse. Ça nous intéresse à plusieurs titres. D'abord... comment dire ? À quel niveau situer la réponse à cette demande d'histoire ? Ce qui a été dit, par exemple, sur les historiens médiatiques est intéressant parce que qu'est-ce qu'un historien médiatique ? C'est finalement un historien universitaire qui a le courage d'aller parler de choses dont il n'est pas absolument spécialiste. Vous dites courage, il y a d'autres gens qui diraient qu'il y a l'audace. Non, mais moi je pense que c'est un certain courage, c'est-à-dire que... c'est-à-dire... La difficulté, c'est de sortir de son champ universitaire de spécialisation dans une émission qui, pour autant, pense que vous êtes le spécialiste. Et je crois qu'il faut un certain courage, voilà, ou un certain talent, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui. Si je peux me permettre, effectivement, il y a cette catégorie des historiens médiatiques qui interviennent un petit peu sur toutes sortes de sujets à partir du moment où il s'agit d'histoire. Il y a aussi un certain nombre d'historiens qui sont de plus en plus nombreux, du coup, qui sont interpellés par les chaînes de télévision, les musées, etc., à l'endroit de leur spécialité pour aider à l'écriture d'un documentaire, pour aider à la confection d'une exposition. Donc là, on est aussi dans une autre figure. Dans un autre cas de participation d'un historien à cette histoire publique, qui est d'apporter directement son expertise et sa spécialité tout à fait au service de Alors, cette exposition. Alors, c'est plutôt à ce niveau-là qu'on aimerait dire qu'au fond, les historiens ne devraient pas arriver, je dirais, un petit peu en bout de chaîne, mais qu'on devrait former des historiens capables d'être, de maîtriser, si vous voulez, les différents formats d'écriture qui sont induits par les types de médias qui vont être utilisés, mais qui soient présents, je dirais, au moment même de la conception d'un documentaire historique, d'une reconstitution dans un petit village où on va avoir... C'est-à-dire que ne pas les mettre en cerise sur le gâteau... C'est de plus en plus le cas, ils arrivent quand même de plus en plus tôt dans les... Mais dans de les projets. Former pour qu'ils puissent arriver très en amont, dans le processus de... d'élaboration, finalement, de cette réponse. Mais la question qui va être posée généralement à tous ceux qui vont entrer dans ce type de formation, c'est comment maintenir une éthique de l'historien, un travail rigoureux de l'historien, quand d'autres, pourrait-on dire, d'autres obligations vont s'imposer à lui. On sait très bien, pour avoir fait des émissions ici sur l'histoire d'entreprise, que un historien qui rentre dans une entreprise est peut-être très bien accueilli par cette entreprise et que lorsqu'il ouvre des dossiers qui concernent, par exemple, une période comme la Seconde Guerre mondiale et qu'il y découvre des choses qui ne sont pas forcément favorables au marketing de cette entreprise, il va devoir soit rabattre son caquet, soit au contraire quitter ce travail qu'il menait. Parce que c'est trop compliqué pour l'entreprise d'assumer les deux choses. Alors c'est intéressant que vous parliez de l'histoire d'entreprise, parce qu'au fond, en France, l'histoire publique, elle est née dans les années 1980, un sens très différent. C'était le moment où on demandait à l'entreprise qui se prétendait citoyenne d'ouvrir ses archives. Donc ça a été un mouvement qu'on a connu. Et on qui se a souvient donné... de Félix Torres qui voilà, a créé exactement, la première agence donc, de ce type. Ça, c'était Public Histoire. Et il y avait cette demande, ces entreprises qui se présentaient comme des entreprises citoyennes, et donc les historiens qui disaient, écoutez, d'accord, ouvrez-nous vos archives. Les résultats n'ont pas été si mauvais que ça. C'est-à-dire qu'on a eu les grandes thèses d'histoire des entreprises qui ont été quand même faites dans les années... 80, début des années 90. Alors, et financé aussi, d'ailleurs. Et financé. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu quand même de blocage total sur des années. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns, mais disons que... voilà. Bon. Alors, effectivement, je veux dire, quand on est dans un service, on va dire, de communication, pour aller vite, qui s'intéresse à l'histoire d'une entreprise, d'une commune, d'une institution, on va être aux prises avec des injonctions qui peuvent être contradictoires entre un métier d'historien et ce qu'on demande de produire. Maintenant, le métier d'historien n'est pas monolithique, c'est-à-dire qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des débats historiques. Et souvent, je pense que l'histoire publique telle qu'elle est faite, elle est faite de manière très unilatérale et très simpliste, sans que ce soit péjoratif, par ignorance, finalement, du problème historique qui est posé derrière. C'est-à-dire que vous pensez que si les gens qui pratiquent l'histoire publique étaient mieux formés aux problématiques en amont de l'histoire, au débat de l'histoire, etc., ça permettrait de faire une meilleure histoire publique. Oui, si vous prenez une petite ville ou un petit village qui veut reconstituer, enfin, ou commémorer la Première Guerre mondiale, si c'est fait par des gens qui ne connaissent rien à l'histoire, mais qui connaissent l'histoire, qu'on leur a raconté, etc., on va avoir une commémoration qui va être, je dirais, intéressante. Mais si vous avez des historiens derrière qui disent bah, « attention, parce que ça c'est intéressant, mais ça vous pourriez le mettre en valeur, ça c'est pas évident », on aurait, je crois, quelque chose de beaucoup plus historiquement correct, sans pour autant que ça ennuie, disons, le public qui va y assister. Le spécialiste S-Commémoration, qui est Patrick Garcia, va pouvoir réagir ou rebondir sur ce que vous venez de dire, Catherine Brice. Je comprends très bien l'optique de Catherine Brice et je trouve que l'initiative est intéressante. En même temps, moi j'ai quand même l'impression que, de toute façon, c'est un espace différent. C'est-à-dire, quand on regarde un peu les commémorations au village que j'avais étudiées, par exemple pour le bicentenaire, il y avait un certain type de rapport à l'histoire très, très fort, qui était celui de l'érudition. L'exactitude, une histoire sûre de ses faits, attachée aux faits, qui est quand même une histoire très différente de celle que font les historiens aujourd'hui. Et je pense que, effectivement, la façon dont les historiens pensent aujourd'hui l'opération historiographique crée un écart avec des types d'appropriation de l'histoire. Et une difficulté, peut-être. Et une difficulté, mais en même temps un intérêt. Je crois que l'intérêt, c'est de mesurer. Alors après, je veux dire, on est dans une échelle mobile. Si vous voulez, moi, j'ai quand même pas ce sentiment que l'espace public soit un amphi. Pour ma part, je me situe plus dans l'observation des formes d'appropriation de l'histoire que dans l'idée, mais que je considère tout à fait intéressante, de les rectifier ou en tout cas les enrichir. Les rectifier, ça fait un peu... Ça rappelle... J'ai rectifié. Anaïs Kien. C'est peut-être d'ailleurs un des grands enjeux aujourd'hui de l'histoire publique, c'est de faire accepter par les producteurs d'histoire publique, les télévisions, les musées, les promoteurs de spectacles, que le débat historique entre dans le récit historique. Je pense notamment à ce documentaire en série de William Carell sur la Shoah, qui a été diffusé à la télévision l'année dernière, où finalement, on avait une vingtaine d'historiens qui racontaient cette Shoah en 6 ou 7 épisodes, si je me souviens bien, sans jamais faire état des tensions historiographiques qui occupent ce champ de l'histoire de la Shoah. Donc finalement, on avait l'impression que tous ces historiens du monde entier étaient absolument d'accord sur le récit qu'on pouvait faire de la Shoah aujourd'hui, ce qui est une erreur terrible. Patrick Garcia. Oui, mais c'est un problème qu'on rencontre aussi dans l'enseignement. C'est-à-dire que l'idée même de montrer le débat historiographique est quelque chose qui est un point aveugle pour les concepteurs de programmes, pas toujours, il y a des espaces, mais disons on en parlera peut-être demain avec Michel Dussault à Blois. Et c'est un point aveugle pour les réalisateurs. Il y a une écriture à inventer peut-être. Absolument. Quelque chose à proposer. Et d'ailleurs, la fiction, la mise en fiction, là, de ce point de vue-là, peut être d'un grand apport, hein, en montrant qu'il y a de l'interprétation, qu'il y a un conflit des interprétations, hein, qu'il y a aussi des limites à l'interprétation. Je crois que là, effectivement, là, on est dans un enjeu extraordinaire d'arriver à faire comprendre ce qu'est la production historique, effectivement. Enfin, Tom Hanks, dont vous parliez tout à l'heure, Jocelyn Letourneau, sa façon de voir justement l'histoire américaine n'était sûrement pas marquée par le débat historiographique autour de cette même histoire américaine. Non pas par le débat historiographique, clairement pas. Cela dit, je pense que sa façon de présenter l'histoire, donc en passant par des émotions individuelles, par une perspective très singulière d'un être humain concret, en chair et en os, pourrait rejoindre jusqu'à un certain point certains historiens du social. Et là, je me permets de revenir un peu sur ce que Patrick disait, c'est-à-dire que au lieu de percevoir parfois ce qu'on appelle traditionnellement l'histoire savante, dans un mode contradictoire par rapport à ce qu'on appelle traditionnellement la fiction, je pense qu'il y a un espace de dialogue à établir entre plusieurs façons de reconstituer, de rendre, disons, ce qu'on appellera pour faire vite la réalité historique. Et ça, il y a une présentation lors du colloque qui était assez intéressante dans cette perspective-là. Il n'y a pas de... Même l'histoire savante est limitée ou limitative dans sa capacité, ses possibilités à rendre compte du passé. C'est comme si elle recrachait, si vous voulez, l'histoire en une dimension, au mieux en deux dimensions, dans le cadre d'un jeu vidéo. Il peut y avoir une narration, il peut y avoir des connaissances historiques qui sont transmises aussi et qui sont absolument validées par les faits, mais la tridimensionnalité, si vous voulez, peut aider dans ce contexte-là un jeune, le cas échéant, à comprendre en quelque sorte l'histoire d'une façon qu'il n'aurait jamais comprise s'il s'était limité à lire un texte savant, un texte de synthèse savant, bien sûr. Alors moi je pense que, vous voyez, si quelqu'un se limite strictement à visionner la série The Pacific mise réalisée par Hanks, bien sûr qu'il va y avoir un biais. Au même titre que peut-être s'il se limitait à une seule œuvre d'historien, il y aurait un biais. Idéalement, ce qu'on aimerait, je dirais, du lecteur ou du destinataire ou des gens, c'est qu'ils s'alimentent, qu'ils se nourrissent à plusieurs façons à plusieurs sources et à plusieurs ressources aussi. Ouais. Catherine Brice, quelle est la motivation, puisque ce master vient tout juste d'ouvrir, des étudiants et étudiantes qui vous ont rejoint dans un nouveau master avec une notion qui n'était pas encore tout à fait populaire de l'histoire publique? Vous avez discuté avec ces jeunes étudiants qui vous rejoignent dans ce master d'histoire publique à Créteil. Qu'est-ce qu'ils disent de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils imaginent être? C'est exclusif de la recherche? C'est complémentaire de la recherche? Ils ont déjà fait des recherches avant et ils veulent faire autre chose ensuite? Oui, c'est un master 2, donc ils ont tous fait déjà une année avec un mémoire. Ce qu'ils veulent, c'est continuer à faire de l'histoire, mais autrement. Voilà, ils ont envie de continuer à travailler autour de l'histoire, parfois aller aux archives ou travailler sur des sources, mais ils ont envie d'en parler d'une manière différente, je ne dirais pas plus libre, parce que la manière dont ils vont en parler est contrainte, mais en ayant à disposition une palette diversifiée pour continuer à faire de l'histoire. Donc, pour ce que j'ai pu en comprendre, oui, ils sont contents de continuer à faire de l'histoire, de ne pas être obligés de lâcher l'histoire qu'ils aiment, mais ils sont aussi très enthousiastes à l'idée d'apprendre à écrire différemment, je dirais, du tweet à Facebook, de Facebook à la brève, de la brève à l'article, voilà. En tout cas, c'est pour l'instant, ça fait qu'un mois qu'on a commencé. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont en tête et ce que nous aussi, on a en tête. Et de l'autre côté, parce qu'il va falloir que vous convainquiez des municipalités, des conseils généraux, des conseils régionaux, des entreprises peut-être, de prendre des gens qui ont fait, entre guillemets, ce qu'on appelle des humanités, plutôt que... une école de commerce, par exemple, pour pouvoir ou de marketing, pour pouvoir les rejoindre dans des services qui n'existent pas pour l'instant, en tout cas pour les rejoindre dans ces entreprises ou ces collectivités. Oui, Emmanuel, vous mettez le doigt sur un vrai problème, c'est-à-dire qu'en France, on est quand même, on peut être surpris par le fait que des jeunes gens bien formés en ce que vous appelez les humanités, plus précisément en histoire, n'intéressent pas les employeurs de toute catégorie, comme c'est le cas en Angleterre ou aux États-Unis. Bon, ceci posé, je dois dire qu'on a eu un accueil très, très favorable de la part d'à peu près tous les partenaires, qui sont devenus des partenaires qu'on est allé solliciter, depuis le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, le musée de l'immigration, le musée de la résistance nationale, mais aussi BNP Paribas, aussi des maisons d'édition, l'École française de Rome, honorable institution, mais qui a vu pour elle l'intérêt d'avoir un historien qui puisse communiquer sur ce qu'elle fait. Et puis peut-être bientôt le musée de Cluny, on espère l'OFPRA. C'est-à-dire que quand on est allé expliquer à quoi on voulait former nos étudiants, sans en rajouter, en disant voilà, c'est bon, on les forme à ça, mais c'est, il y a eu une espèce de d'acceptation. Oui, que ça peut créer un appel d'air. Bah, c'est-à-dire, on m'a dit, bah, on attend ça, voilà, vous tapez juste. Ouais. C'est exactement ce dont on a besoin. Anaïs Kien. Est-ce que vous n'allez pas rencontrer aussi peut-être un problème de mise en concurrence de spécialistes de la communication avec vos étudiants arrivants, de commissaires d'exposition en concurrence avec des historiens qui eux-mêmes seront à l'initiative d'une exposition? On est dans un monde impitoyable, forcément il y aura on assume. Mais disons que ce master se situe justement sur une ligne de crête entre tout ce qui a été fait en médiation culturelle d'une part, et d'autre part, les nombreux masters patrimoine. Donc, on tient sur l'histoire et c'est une spécificité. Mais il est vrai qu'à côté, ce sont des outils de communication qu'ils vont apprendre. Mais bien sûr qu'il y aura de la concurrence. Tout compte fait, bois, où on va tous se retrouver dès ce soir ou dès demain, c'est une sorte de lieu qui correspond, à, en tout cas par la pratique, à ce qu'on disait tout à l'heure, des usages publics plus universitaires, des usages publics beaucoup moins universitaires, un mélange de tout cela, des usages par le documentaire, la vidéo, le cinéma, etc., etc. C'est cette arène-là qui peut représenter cette histoire dans l'espace public dont vous avez fait le thème de votre colloque, Patrick Garcia. C'est une des modalités possibles. Je crois que Blois est un lieu important d'échange entre les enseignants du secondaire, les enseignants du supérieur, ça attire un public important. C'est une des modalités, c'est pas la seule, c'est pas exclusive, bien évidemment. C'est vraiment pas la seule. Il y a vraiment des choses qui irriguent la société, qui forgent l'imaginaire historique contemporain. Je pensais par exemple à la bande dessinée, elle a un poids, une diffusion extraordinaire. On avait invité là Jacques Ferrandez qui fait les carnets de l'Orient. Il donne une vision de l'Algérie colonisée tout à fait, qui a été véhiculée, qui est massive et qui est intéressante. Donc oui, c'est Blois est une des modalités d'un dialogue entre université, entre le monde savant entre guillemets, le monde académique et la société civile. C'est une des modalités. Oui. Je voulais juste préciser quand même que pour ce qui est des étudiants d'histoire, hein, d'après mes statistiques à CRJ, ils s'en sortent vraiment pas si mal que ça. C'est bien. Les études d'histoire sont plutôt un bon viatique pour trouver du travail, y compris en dehors de l'enseignement. Anaïsia. Je voulais simplement ajouter peut-être que sur ce festival d'histoire, ce festival de Cannes des historiens, comme on l'appelle dans les couloirs, les rendez-vous de l'histoire de Blois, ils sont pris en compte tous les nouveaux supports de l'histoire. Il y a un prix de la bande dessinée, il y a une grosse programmation du roman historique, une grosse programmation de fiction d'histoire au cinéma, de documentaire. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de spectacles, de chansons, d'expositions, de bandes dessinées dans les rues, etc. Et donc à cet endroit-là, peut-être le festival de Blois est aussi une vitrine de tous les usages de cette histoire publique. On se demande toujours, Jocelyn Le Tourneau, si quand on organise un colloque, au bout du compte, on est surpris, puisque tout compte fait, vous lisez les communications avant qu'elles n'arrivent, vous les connaissez. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce colloque sur l'histoire dans l'espace public que vous avez co-organisé avec Karima Diresh, avec Patrick Garcia et avec Marilyn Crivello au MUCEM à Marseille? Qu'est-ce qui vous a surpris? C'est la volonté, je pense, de part et d'autre, historiens patentés et autres producteurs de connaissances historiques, d'établir un dialogue, d'établir un lieu de complémentarité entre leurs différentes façons d'aborder la matière du passé. Et écoutez, je ne sais pas quel impact le colloque aura, bien sûr, on le vérifiera à long terme, ou à moyen terme plutôt, mais je pense que d'avoir sensibilisé encore plus, peut-être consolidé par le biais du colloque, cette volonté de collaboration est un premier pas, je pense, dans la déconstipation peut-être des différents acteurs qui produisent l'histoire et qui sait quelle nouvelle ère le colloque inaugurera. Cela dit, je voudrais aussi terminer sur une note positive, en ce sens que... c'était pas négatif, ce qu'on a dit. Non, c'était pas négatif, mais c'est que à l'heure actuelle, vous savez, je vais pas prendre mon exemple et le mettre en avant, mais je ne suis pas strictement vraiment un historien évoluant à l'université, un peu comme les collègues qui intervenaient dans l'émission et bien d'autres. On écrit dans les journaux, on écrit dans les magazines à grand tirage, on collabore à des expositions. Donc, on s'investit déjà sur plusieurs champs de production de connaissances historiques. Et je pense qu'ils sont nombreux, les historiens. Le problème tient peut-être, je ne vais pas parler de manière universelle, mais à l'institution historienne, qui a beaucoup de difficultés, c'est peut-être plus vrai en France qu'en Amérique de ce point de vue-là, mais à reconnaître ces nouvelles façons de faire de l'histoire comme étant équivalentes, aussi intéressantes que les façons acceptées, acquises de faire de l'histoire. Et ça, je pense que le colloque pourra peut-être avoir contribué à rapprocher les parties. Eh bien, merci beaucoup, Jocelyn Letourneau, et merci à ceux qui vous ont accueilli dans le studio de Londres. Un dernier mot très bref, Patrick Garcia. Ce colloque, on en aura la teneur rapidement ou il faudra attendre encore un petit peu ? Encore un petit peu, mais assez rapidement, on envisage immédiatement une publication, mais une publication mixte avec livre et internet. On travaille sur les formes de demain. Et après Blois, en tous les cas. Et il y aura une suite ou pas? Vous imaginez une suite à ce colloque? On est en train d'imaginer une suite de rencontres. Et pour ceux qui s'intéressent à ce master d'histoire publique dont on a parlé, Catherine Brice, eh bien, ils peuvent se renseigner à l'Université de Paris-Est. Oui, sur le site de l'Université de Paris-Est Créteil. Merci beaucoup. Merci. Et demain, nous nous retrouvons donc, et nous retrouvons nos auditeurs et nos auditrices à Blois, donc à l'auditorium de l'abbé Grégoire, après les matins de France Culture de Guillaume Herner. Donc on s'y retrouvera avec deux invités, mais également toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire qui présentera son travail. Donc il y aura avec nous Pierre-François Souhiri pour parler de cette annonce dont on discutera, de la suppression peut-être des sciences humaines, proposition de supprimer les sciences humaines dans l'université japonaise. Et nous aurons avec nous le président Conseil supérieur des programmes, Michel Lussault. Cette émission, comme toutes les autres, a été préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marseille. Nous avions avec nous à la technique aujourd'hui Élise Leu et à la réalisation Anne Fleury.